Every time

stories. We want to get you to join in. Call us optimistic. We get the meanest looks. We're your boss through romantic. History books will show. History books will show. And we're waiting. We're waiting for your call. We're against privacy. We're against privacy. And we're waiting. And we're waiting. We're waiting for your call. We're against privacy. We're against privacy. And we're waiting. And we're waiting for your call. We're sure that you'll agree. Thank you.

dans son envie, face ou pile, chacun joue sa vie, face ou pile, mais c'est le sort qui choisit. Face ou pile, pile de face ici, face ou pile, le sort est indécis, face ou pile, fais face au défi qui sait. Farci! Tombez pile, sans trop perdre la face. Pas facile de pas faire la grimace. Quand le profil nous tourne à l'œil sur place, là la pile qui se remplit la masse. Les deux font la paix, face ou pile, le père ou la mère, face ou pile, le ciel ou l'enfer transfère. Misère! Face ou pile, la paix ou la guerre, face ou pile, flipper dans les airs, face ou pile, le hasard repère s'y perd. Dans mes piles, chaque face tente sa chance. Versatile à chaque pièce qu'on lance. Sur la pile, il sort sans mettre plein la pince. Volatile, c'est la monnaie qui danse. Face ou pile. Gonfle les rivières, face ou pile, bloque les artères, face ou pile, espine la terre mystère. Face ou pile, ainsi va la vie, face ou pile, avec ses lubies, face ou pile, la chanson finit ainsi, soit pile. Un soir vrillé du mois de février, lorsque l'hiver s'éponge et que le jour s'allonge. Je ne suis qu'une ambiance, prémonition qui danse sur un vieux mur de roc, vermine d'une époque, quand l'homme des cavernes. Que cette ambiance berne gratte ses vieilles plaies. Une guitare, s'il vous plaît. Ce monstre qui jappe et bave dans les vapes. Je ne suis qu'une ambiance qui hurle en silence. Hors

j'approche, t'es le dernier cri, ma recherche, la fille, ton look, les moustiques, elle tient pas l'alcool, c'est tout faux, mais c'est bon, c'est ce qu'il faut, allons raffoler. La radio autrement. Et tout.